pour veiller ton sommeil. C'est le poids de ta main sur ma hanche, chaude comme un soleil. C'est le goût de ta peau que je hume, c'est l'odeur de ta barbe qui demeure après toi quand tu fumes. C'est ton pouls qui bat. Il n'a fifre ni tambour, et son cœur, oh, et son cœur, tout doucement bat le cœur de nos heures, de nos heures. Il vient à pas de velours, le bonheur, ne bouge pas, mon amour. C'est la fine musique en mon âme qui orchestre ta voix. C'est la danse légère et la flamme de mes yeux qui te voient. C'est un sentier sous bois qui nous mène lentement nulle part. La ferveur de nos mains qui s'étreignent avant chaque départ. Il n'a fifre ni tambour, et son cœur, oh oui, son cœur, tout doucement bat le coup de nos heures, il vient à pas de velours, le bonheur, ne bouge pas, mon amour, qu'il demeure, c'est vivant dans la peau mais fragile, comme un oiseau blessé. Qui palpite affolé et qui file tout droit dans l'air glacé. C'est un feu si léger et si tendre qu'un seul geste l'éteint, et qu'il ne resterait que la cendre à tisonner en vain. Il n'a fifre ni tambour, et son cœur, oh, et son cœur, tout doucement.